Exercice 9, page 64. A. Ça fait 2 mois. Transformer. Ça fait 12 mois. B. Ça fait 2 semaines. Transformer. Ça fait 12 semaines. C. Ça fait 2 ans. Transformer. Ça fait 12 ans. D. Ça fait 2 heures. Transformer. Ça fait 12 heures. E. Ça fait 2 jours. Transformer. Ça fait 12 jours. F. Ça fait 2 euros. Transformer. Ça fait 12 euros.